Chapitre 10e. Le soir, les Allen, les Thorpe et les Morland se retrouvèrent au théâtre. Catherine et Isabelle se mirent l'une à côté de l'autre. Isabelle allait donc enfin donner cours aux mille choses qu'elle avait collectionnées depuis la si lointaine rencontre précédente. « Oh ciel, ma bien-aimée Catherine, est-ce enfin vous ?» fut sa question, tandis que Catherine entrait dans la loge et s'asseyait près d'elle. « Maintenant, Monsieur Morland, il était son autre voisin. Je ne vous dirai pas un mot de toute la soirée, je vous en avertis. Ma très douce Catherine, comment vous êtes-vous portée tout ce temps? Mais je n'ai pas besoin de vous le demander, vous avez une mine charmante. Vous êtes coiffée dans un style plus divin que jamais. Malheureuse créature, vous voulez donc captiver tout le monde. Je vous assure que mon frère est déjà féru de vous, et quant à M. Tilney, mais c'est une chose entendue, même votre modestie ne peut plus douter de son amour. Son retour à Bath est assez éloquent. Oh, que ne donnerais-je pas pour le voir? Je me sens d'une furieuse impatience. Ma mère dit que c'est le jeune homme le plus délicieux qui soit au monde. Elle l'a vu ce matin, vous savez. Vous devez me le présenter. Est-il ici? Regardez bien, pour l'amour du ciel. Je vous assure, je ne vivrai pas tant que je ne l'aurai vu. Non, dit Catherine, il n'est pas ici. Jamais je ne parviens à le rencontrer. Oh, affreux, ferai jamais sa connaissance. Comment trouvez-vous ma robe? Je ne la crois pas mal. Les manches sont de mon invention. Que je vous dise, je suis infiniment dégoûté de Bath. Votre frère et moi étions d'accord ce matin que, quoi qu'on y soit fort bien pour un séjour de quelques semaines, nous ne voudrions pas y vivre quand on nous en donnerait des millions. Nous reconnûmes bientôt que nos goûts étaient exactement les mêmes. Nous préférions tous deux le séjour de la campagne à tout autre séjour. Nos opinions étaient si exactement pareilles que c'en était ridicule. Nous ne différions sur aucun point. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que vous fussiez là. Vous êtes une si maligne chose que vous auriez fait, j'en suis sûr, des remarques moqueuses. Non, vraiment, je n'en aurais pas fait. Ou si vous en auriez fait. Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez. Vous nous auriez dit que nous semblions nés l'un pour l'autre, ou quelque folie de cette espèce, ce qui m'aurait troublé au-delà de toute expression. Mes joues seraient devenues rouges comme vos roses. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que vous fussiez là. « Vraiment, vous êtes injuste. Je n'aurais pas fait de si inconvenantes remarques. Et d'ailleurs, je suis sûr que je n'en aurais pas même eu l'idée. » Isabelle sourit d'un air incrédule, et le reste de la soirée, c'est à James qu'elle parla. Le lendemain matin, Catherine était toujours décidée à faire ses grands efforts pour rencontrer Mademoiselle Tilney. Et jusqu'à l'heure habituelle d'aller à la Pump Room, elle vécut dans la crainte d'un contretemps. Mais il n'y en eut pas. Nul visiteur ne vint retarder le départ, et tous trois entrèrent à la Pump Room à l'heure normale. M. Allen, après avoir bu son verre d'eau, rejoignit quelques messieurs. Ils parlèrent de la politique du jour, comparèrent les informations de leurs journaux. Les dames circulaient, observant chaque figure nouvelle, chaque nouveau chapeau. La partie féminine de la famille Thorpe, attendue par James Morland, apparut dans la foule au bout d'un quart d'heure, et Catherine prit immédiatement sa place coutumière aux côtés de son amie. James, qui maintenant était toujours sur le qui-vive, se plaça symétriquement, et s'étant séparé du groupe, ils marchèrent ainsi jusqu'à ce que Catherine commençât à mettre en doute les avantages de cette position qui, l'associant entièrement à son ami et à son frère, lui valait une part si faible de l'attention de l'un et de l'autre. Ils étaient toujours engagés dans quelques discussions sentimentales ou quelques plaisantes querelles, mais ils ne parlaient pas, ils chuchotaient ou riaient. Et bien que son opinion fût fréquemment invoquée par l'un ou par l'autre, Catherine eût été fort en peine de la leur faire connaître, faute d'avoir entendu un seul mot du litige. Enfin, elle put quitter son amie. Elle voulait absolument parler à Mademoiselle Tilney, qui entrait avec Madame Hughes et qu'elle rejoignit aussitôt. Mademoiselle Tilney l'accueillit gracieusement, lui rendit ses amabilités, et elles continuèrent à causer aussi longtemps que leurs groupes restèrent dans la salle. Il est vraisemblable qu'elles ne firent aucune observation et n'employèrent aucune expression qui n'eussent été faites et employées des milliers de fois chaque saison à Bath. Pourtant, marquées de simplicité, de sincérité et de cordialité vraie, leurs paroles devaient être quelque chose d'assez peu commun. « Comme votre frère danse bien, lui !» Vers la fin de cette causerie, l'ingénue exclamation qui surprit d'abord et amusa l'interlocutrice de Catherine. « Henry ? » répondit-elle avec un sourire. « Oui, il danse fort bien. » Il a dû s'étonner de m'entendre dire l'autre jour que j'étais engagée alors qu'il me voyait assise. Mais réellement, j'étais engagé depuis le matin par M. Thorpe. » Mademoiselle Tilney s'inclina. « Vous ne pouvez croire, » ajouta Catherine après un moment de silence, « combien je fus surprise de le revoir, moi qui étais si sûr qu'il était parti. Quand Henry a eu le plaisir de vous rencontrer la première fois, il n'était à Bath que pour une couple de jours. Il y était venu pour nous louer un appartement. Je n'aurais jamais deviné cela. Et naturellement, ne le voyant nulle part, je le croyais parti. N'était-ce pas une demoiselle Smith, la jeune personne qui dansait avec lui lundi ? Oui, une connaissance de Madame Hughes. Elle paraissait très heureuse de danser. La trouvez-vous jolie ? Pas très jolie. Il ne vient jamais à la Pump Room, n'est-ce pas ? Si, quelquefois, mais il est sorti à cheval ce matin avec mon père. » Madame Hughes les rejoignit alors et demanda à Mademoiselle Tilney si elle était prête à partir. « J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir bientôt, » dit Catherine. « Serez-vous au Cotillon demain ?»« Peut-être. Oui, nous y serons certainement. »« J'en suis heureuse. Nous y serons tous. » Elles se quittèrent. Mademoiselle Tilney avait quelques données sur les sentiments de son amie nouvelle, et Catherine, sans la moindre conscience de les lui avoir fournies. Elle rentra très heureuse. La matinée avait répondu à tous ses espoirs. La soirée du jour suivant était maintenant l'objet de son attente. Quelle robe et quelle coiffure aura-t-elle devenait son principal souci. La toilette est toujours chose frivole, et à lui accorder trop de sollicitude, on fait souvent fausse route. Catherine le savait fort bien. Sa grand-tante lui avait fait à ce sujet une lecture à Noël dernier. Pourtant, une fois au lit, elle resta encore éveillée 10 minutes à délibérer sur la robe qu'elle mettrait. Mousseline à pois ou mousseline brodée. Le manque de temps l'empêcha d'en acheter une nouvelle. C'eût été une erreur, considérable, quoique point rare, et contre laquelle une personne de l'autre sexe, plutôt qu'une personne de son sexe, et un frère, plutôt qu'une grand-tante, eût pu la prévenir. Seul un homme peut savoir combien un homme est indifférent au charme d'une robe neuve. Ce serait mortifier maintes et maintes dames que leur apprendre, mais entendrait-elle, combien peu le cœur d'un homme est sensible à ce qu'il y aura de coûteux ou de neuf dans leur attirail, combien il est aveugle à la texture d'un tissu, ce cœur, et combien il est incapable d'opter à bon escient entre le jaconas, la batiste, le nansouk et l'organdi, même brodé au tambour. Une femme est belle pour sa seule satisfaction. Nul homme ne l'en admirera plus, nulle femme ne l'en aimera mieux. Mais aucune de ces graves réflexions ne troublait Catherine. Elle entra dans les rooms le jeudi soir avec des sentiments tout autres que ceux qu'elle y avait éprouvés le lundi. Elle, qui alors avait été fort satisfaite d'être invitée par Thorpe, était surtout maintenant soucieuse d'échapper à sa vue, de peur qu'il l'invitât de nouveau. Et quoiqu'elle ne pût, n'osa s'attendre à voir une troisième fois M. Tilney l'inviter à danser, ses vœux, espoir et plan ne tendaient à rien d'autre. En ce moment critique, toute femme peut sentir pour mon héroïne, car toute femme a connu ses agitations. Toutes ont été, ou du moins ont cru être exposées, à la poursuite d'un insupportable fâcheux. Toutes ont été anxieuses des attentions de quelqu'un à qui elles désiraient plaire. Dès que les Thorpe furent là, l'agonie commença. Catherine se déplaçait quand John Thorpe s'approchait. Elle se dérobait à sa vue le plus possible et, s'il lui parlait, feignait de ne pas l'entendre. Le cotillon était fini, on préludait à la contredanse et pas trace des Tilney. « Ne vous effrayez pas, ma chère Catherine, » chuchota Isabelle. « Décidément, je vais encore danser avec votre frère. Je déclare que c'est inconvenant tout à fait. Je lui ai dit qu'il devrait être honteux de lui, mais vous et John nous tiendrez compagnie. Hâtez-vous, chère créature, de nous rejoindre. » John vient de sortir, mais rentrera dans l'instant. Catherine n'eut ni le temps ni le désir de répondre. Il s'éloignait. John Thorpe était encore à l'horizon, et elle se considérait comme perdue. Pour ne pas paraître le voir ou l'attendre, elle gardait obstinément les yeux sur son éventail. Espérer rencontrer les Tilney dans cette foule et avant le retour de John Thorpe était folie, se disait-elle. Et comme elle prononçait ainsi sa propre condamnation, soudain, elle s'entendit invitée par M. Tilney lui-même. Les yeux brillants, elle se leva et, joyeuse, s'éloigna à son bras. Échapper si opportunément à John Thorpe et être aussitôt invitée à danser par M. Tilney, comme s'il l'avait cherchée, il ne semblait pas à Catherine que la vie pût contenir félicité plus grande. Mais à peine avait-il trouvé une place que son attention fut appelée par John Thorpe qui se tenait derrière elle. « quoi donc, Miss Morland ?» disait-il. « Qu'est-ce que cela signifie? Je croyais que nous devions danser ensemble. »« Je m'étonne que vous l'ayez cru. Vous ne m'aviez pas invité. »« C'en est une bonne, par Jupiter. Je vous invitais dès mon arrivée, et j'allais justement vous inviter de nouveau, mais vous étiez parti. Un sacré tour que vous me jouez là. Je suis venu pour danser avec vous, et je crois bien que vous étiez engagé envers moi depuis lundi. Oui, oui, je me souviens. Je vous ai invité pendant que vous attendiez votre manteau dans le vestibule. J'ai annoncé à tous mes amis que j'allais danser avec la plus jolie fille de Bath. S'ils vous voient avec un autre, ils me blagueront fameusement. Mais non, ils ne penseront jamais que je sois la personne que vous leur avez décrite ainsi. Par les cieux, s'ils ne le pensent pas, je les jetterai hors d'ici à grands coups de pied, comme des ganaches. Quel compagnon avez-vous là ? Catherine satisfit sa curiosité. Tilney, répéta-t-il. Je ne le connais pas. Bonne tournure, bien bâti. A-t-il besoin d'un cheval ? J'ai ici un ami, Sam Fletcher, qui en a un à vendre. Une fameuse bête pour la route. 40 guinées seulement. J'ai eu 50 fois envie de l'acheter, car c'est une de mes maximes. Quand vous rencontrez un bon cheval, achetez-le. Mais celui-là n'est pas ce qu'il me faut. Il ne vaudrait rien pour galoper à travers champs. Je donnerai de l'argent pour un bon limiteur. J'en ai maintenant 3, les meilleurs qu'on ait jamais montés. Je ne les céderai pas pour 800 guinées. Fletcher et moi avons l'intention de prendre une maison dans le Leicestershire à la saison prochaine. C'est bougrement inconfortable de vivre à l'auberge. Ce fut la dernière sentence dont il put fatiguer Catherine, car un irrésistible flot de jupes l'emporta. M. Tilney se rapprocha. « Ce monsieur, lui dit-il, aurait lassé ma patience s'il était resté avec vous une demi-minute de plus. Nous avons fait un contrat d'amabilité réciproque pour un soir, et l'amabilité de chacun de nous appartient à l'autre tout ce temps-là. Personne ne peut forcer l'attention de l'un sans attenter aux droits de l'autre. Je considère la contredanse comme l'emblème du mariage. Là et là, Miss Morland, la fidélité et l'affection sont les devoirs principaux. Et les gens qui ne sont disposés ni à danser ni à se marier n'ont rien à faire avec les danseuses ou les femmes de leurs voisins. Ce sont là choses si différentes que vous croyez qu'elles ne peuvent être comparées. Je le crois. Les gens qui se marient ne peuvent jamais se séparer. Ceux qui dansent se tiennent en face l'un de l'autre dans une grande salle pendant une demi-heure. Et telle est votre définition du mariage et de la danse. Sous ce jour, certainement, leur ressemblance n'est pas frappante. Mais je veux bien les voir de votre point de vue. Vous en conviendrez, dans les deux cas, l'homme a la faculté de choisir, la femme seulement celle de refuser. Dans les deux cas, il y a entre l'homme et la femme un engagement formé pour l'avantage de chacun. Une fois cet engagement conclu, et jusqu'à sa dissolution, ils appartiennent exclusivement l'un à l'autre. C'est le devoir de chacun de ne donner à son partenaire nul motif de regretter n'avoir pas disposé autrement de soi. C'est l'intérêt de chacun de ne pas s'attarder complaisamment aux perfections des étrangers et de ne pas s'imaginer qu'avec eux la vie eût été plus belle. Me concédez-vous tout cela ? Oui, et tout cela est bel et bon. Pourtant, ce sont choses bien différentes. Je ne puis les voir sous le même angle, ni croire qu'elles comportent les mêmes devoirs. À certains égards, il y a en effet une différence. Dans le mariage, l'homme est supposé subvenir aux besoins de la femme rendre la maison agréable à son mari. Il ravitaille et elle sourit. Dans la danse, ses obligations sont exactement inverses. À lui, incombe les gracieusetés et les complaisances, tandis qu'elle fournit l'éventail et l'eau de lavande. C'était, j'imagine, la différence de devoir qui vous paraissait rendre impossible une comparaison. Non, vraiment, je ne pensais pas à cela. Alors je n'y suis plus. Pourtant, une remarque encore. Cette disposition de votre esprit est plutôt alarmante. Vous niez toute similitude dans les obligations. Ne puis-je pas de cela inférer que vos notions des devoirs d'une personne qui danse ne sont pas aussi précises que pourrait le souhaiter votre partenaire ? N'ai-je pas raison de craindre que si le gentleman qui vous parlait tout à l'heure revenait ici, ou si quelque autre gentleman s'adressait à vous, rien ne vous dissuaderait de prolonger la conversation avec lui ? M. Thorpe est un ami intime de mon frère. S'il me parle, je dois lui répondre. Mais outre lui, il y a à peine 3 jeunes gens dans la salle que je connaisse. Et c'est ma seule sauvegarde. Hélas, hélas. Mais vous ne sauriez en avoir de meilleurs, car si je ne connais pas les gens, je ne leur parlerai pas, et au surplus, je ne désire parler à personne. Vous venez de me donner une sécurité de bon aloi, et je puis continuer. Trouvez-vous Bath aussi agréable que lorsque j'eus l'honneur de m'en enquérir déjà? Oui, certes, et plus encore, vraiment. Plus encore, prenez garde, ou vous oublierez d'en être fatigué en temps convenable. On doit en être fatigué au bout de 6 semaines. Je ne pense pas que je puisse m'en fatiguer quand j'y resterai 6 mois. Bath, au prix de Londres, est fastidieux, et chacun fait cette découverte chaque année. Pour 6 semaines, je veux que Bath soit assez agréable. Mais ce temps passé, c'est le plus ennuyeux séjour qui soit. Vous entendrez dire cela par des gens de toute catégorie, qui viennent régulièrement chaque hiver étirer leurs 6 semaines en 10 ou 12 et qui s'en vont enfin parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester plus longtemps. Soit, il faut donc juger par soi-même, et les gens qui connaissent Londres peuvent dédaigner Bath. Mais moi, qui habite un petit village perdu dans la campagne, je ne peux vraiment pas trouver Bath plus monotone que mon village. Il y a ici une variété de distractions, une variété de choses à voir et à faire. Vous n'aimez pas beaucoup la campagne ? Si, beaucoup, j'y ai toujours vécu et j'ai toujours été heureuse. Mais certainement, il y a plus de monotonie dans la vie de la campagne que dans la vie de Bath. Une journée à la campagne est semblable à la journée suivante et à toutes les autres. Mais vous employez votre temps d'une façon plus raisonnable à la campagne, croyez-vous ? Ne croyez-vous pas ? Je ne crois pas qu'il y ait grande différence. Ici, vous êtes en quête d'amusement tout le long du jour. Et de même à la campagne. Mais j'en trouve moins. Je me promène ici et ainsi je fais là-bas. Ici, du moins, je vois des gens plein les rues, et là-bas, je ne peux rien voir que Madame Allen. M. Tilney s'amusait fort. Ne rien voir que Madame Allen, répétait-il. Quel tableau de détresse intellectuelle. Mais quand vous retomberez dans cet abîme, vous aurez un thème, vous pourrez parler de Bath et de tout ce que vous y aurez fait. Oh oui, je ne serai plus jamais embarrassé pour parler à Madame Allen ou à n'importe qui. Je crois vraiment que je parlerai toujours de Bath quand je serai de retour à la maison. J'aime tant Bath. Si seulement j'avais ici papa et maman et le reste de ma famille, je serais trop heureuse. L'arrivée de James, mon frère aîné, m'a été très agréable. Et justement, il avait pour ami intime les membres de cette famille avec laquelle nous nous sommes liés. Oh, comment peut-on se fatiguer de Bath ? Pas ceux qui apportent de si frais sentiments. Mais papa et maman et frères et amis intimes, tout cela est bien suranné pour la plupart des habitués de Bath, et s'intéresser au bal, au théâtre et au spectacle de la vie quotidienne ne l'est pas moins. Là finit leur conversation, de par les exigences de la danse. Bientôt après qu'ils eurent atteint le bout de la salle, Catherine se sentit regardée attentivement par un gentleman qui se tenait, parmi les spectateurs, immédiatement derrière M. Tilney. C'était un homme de belle allure et de masque énergique, dont la jeunesse était passée, mais non pas la vitalité. Elle le vit bientôt, qui, la regardant toujours, disait familièrement à voix basse quelques mots à M. Tilney. Confuse d'appeler l'attention et rougissante, elle détourna la tête. Le gentleman partit, M. Tilney se rapprochant d'elle. « Je vois que vous êtes inquiète de ce qui vient de m'être demandé. Ce gentleman connaît maintenant votre nom. Vous avez le droit de connaître le sien. C'est le général Tilney, mon père. » La réponse de Catherine fut simplement « Oh !» Mais ce fut un « Oh !» expressif. Elle suivit des yeux le général qui circulait à travers la foule. « Quelle belle famille » pensa-t-elle. En causant avec Mademoiselle Tilney un instant après, elle sentit naître en elle une nouvelle source de félicité. Elle n'avait jamais fait d'excursion à la campagne depuis son arrivée à Bath. Mademoiselle Tilney, à qui tous les environs étaient familiers, en parlait de temps en temps, ce qui rendait Catherine plus impatiente encore de les connaître. Sur sa crainte exprimée de ne trouver personne qui les lui montrât, le frère et la sœur lui proposèrent de l'emmener un jour ou l'autre. « Cela me plaira plus que tout au monde, » s'écria-t-elle. « Mais laissez-moi vous en prier, allons demain. » Ils acceptèrent, sous la réserve faite par Mademoiselle Tilney, qu'il ne plût pas. Et Catherine était convaincue qu'il ne pleuvrait pas. À midi, ils iraient la chercher, Pulteney Street. « N'oubliez pas, midi !» fut le mot d'adieu de Catherine à sa nouvelle amie. L'autre amie, l'ancienne amie, l'amie en possession d'État, Isabelle, dont elle avait expérimenté pendant 15 jours la fidélité et les mérites, elle ne la vit presque pas de la soirée. Elle eût voulu pourtant lui dire son bonheur, mais elle se soumit joyeusement au désir de M. Allen de rentrer tôt, et jusqu'à la maison, ses pensées dansèrent en elle comme elle dansait dans la voiture.